Je vous propose aujourd'hui de redécouvrir une série d'émissions autour de l'école de Francfort, aujourd'hui troisième temps, Habermas, à la conquête de l'espace public. La philosophie n'est plus actuellement en mesure d'élaborer une image cohérente du monde. Elle se meut entre les religions et les sciences naturelles, les sciences sociales et les sciences humaines, l'art et la culture, afin d'apprendre, et grâce à la compréhension de soi, de rompre les illusions. Ni plus ni moins. La philosophie est désormais une entreprise parasitaire, se nourrissant de processus d'apprentissage qui lui sont étrangers. Mais c'est justement dans ce rôle secondaire que la philosophie peut appréhender de façon critique la totalité consciente et semi-consciente. Einen recht schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem heutigen Fernsehprogramm und wünsche Ihnen einen recht guten Empfang. Les vices et vertus de la philosophie et ceux de la télévision pointés par Jürgen Habermas et Nina Hagen, voilà le menu du jour. Bonjour Estelle Ferrarez. Bonjour. Bienvenue sur le chemin de la philosophie. Merci. Où l'école de Francfort est à l'honneur cette semaine. Pour ceux qui prennent la série en cours de route, lundi on a présenté l'école de Francfort, je le rappelle, fondée en 1923, puis dirigée par Horkheimer, qui sera rejoint ensuite par Adorno. Mardi, on s'est intéressé à la critique de l'industrie culturelle par Adorno et Walter Benjamin. Et aujourd'hui, on passe à la deuxième génération, dont Habermas est le membre officiel, sinon le seul, c'est ce qu'on va voir ensemble. Habermas partage avec la première génération de l'école de Francfort le même désir d'émancipation de l'homme, le même souci de l'interdisciplinarité, la même importance accordée à la critique. Est-ce qu'on peut dire qu'il est un héritier fidèle de cette première génération ? Alors, on peut dire qu'il l'a été pendant un long moment. Je pense que oui, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a déjà un ancrage institutionnel évident, puisqu'il a été l'assistant d'Adorno, qu'il a été rémunéré par l'institut pendant un certain temps. Ça n'a pas été sans heurts, puisqu'il s'est heurté à toute une série de préventions, on va dire, qu'avait contre lui Horkheimer dans les années 60, notamment parce que Horkheimer trouvait qu'il n'était pas assez pluridisciplinaire, c'est-à-dire ne portait pas assez d'intérêt aux recherches empiriques. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans un certain nombre de lettres. Et d'un autre côté, Horkheimer considérait, donc là, on est en train de parler des années 60, que Habermas était trop marxiste. C'était un moment où, en fait, l'école de Francfort tente de présenter un visage plus lisse en RFA. Max Horkheimer se méfie de Habermas, et bon, donc ça a toujours été un petit peu compliqué, mais il a été inclus dans l'institut pendant un certain temps, et effectivement il y a toute une série de choses qu'il a repris dans la première partie de son œuvre pour lui-même, c'est-à-dire par exemple effectivement la critique des sciences, du positivisme, l'idée finalement qu'il appartient aux théoriciens critiques, il se nomme lui-même théoricien critique, hein, d'explorer la signification politique des méthodes et des concepts qui sont utilisés en philosophie comme dans les autres sciences. Alors il y a aussi, probablement on pourrait pointer, disons, un certain souci de critiquer tout en les sauvant certains idéaux bourgeois. Ça, c'est quelque chose qui est typique de la première génération et dont on retrouve des traces, par exemple, dans la dialectique de la raison, c'est-à-dire dénoncer les idéaux libéraux bourgeois. Donc le livre qu'ont écrit en commun Horkheimer et Adorno au début des années 40. C'est ça. Et donc là, il y a cette idée que finalement, le capitalisme portait des valeurs, notamment politiques, qui étaient effectivement des valeurs bourgeoises, qui étaient effectivement des valeurs qui garantissaient le maintien de l'ordre capitaliste, mais peut-être qu'il y avait quelque chose qui permettait de les dépasser. Et donc ça, c'est quelque chose auquel Habermas est fidèle, notamment dans son, dans son ouvrage qui est sa thèse d'habilitation, et qui est l'espace public. Donc, qui est Horkheimer a refusé de diriger. Absolument. Enfin, a refusé d'accueillir un institut. Et c'est pour ça qu'il est parti, au fond. Ouais, Habermas n'est pas resté très longtemps dans cet institut. C'est ça, ouais, absolument. Mais à cause des, notamment des préventions auxquelles je viens de faire allusion. Avant d'examiner plus précisément la manière qu'a eu Habermas d'hériter de la première génération de l'école de Francfort et de faire sien finalement l'apport réel de cet institut, présentons Habermas. Il n'est pas connu de tout le monde et pas de tous les auditeurs. Il est né en 1929. En quelle année arrive-t-il à l'école de Francfort et dans quelles circonstances? Alors au départ, il va commencer à collaborer donc dans les années 50 autour d'une enquête qui d'ailleurs se veut empirique, qui porte sur donc les étudiants et la politique. Donc c'est déjà une réflexion qui commence à tourner autour de ce qu'est la participation politique, ce que signifie réellement participer. Voilà, et donc à ce moment-là, disons qu'il a été plus ou moins repéré par Adorno en raison d'un certain nombre d'articles qu'il a commencé à écrire, et notamment un article sur Heidegger, un article critique sur Heidegger. Et donc à ce moment-là, il y a une discussion qui se met en place autour de cette fameuse thèse d'habilitation que Habermas voudrait faire avec Adorno à l'Institut. Et effectivement, comme je vous le disais, en fait, il y a vraiment un refus d'Horkheimer pour cette double raison d'un souci, on va dire, insuffisant pour les sciences sociales, et d'autre part peut-être d'un marxisme un peu trop exacerbé, en tout cas pour l'école de Francfort de cette époque-là, qui fait que donc Habermas va partir faire son habilitation à Marbourg, et donc ne reviendra que très très tard finalement à Francfort. Elle y retournera. Oui, beaucoup plus tard, une fois toute cette génération, on va dire, disparue. Voilà. Habermas est encore vivant aujourd'hui. Oui, tout à fait. Il a 90 ans et il est très en forme. Il y a eu. Vous le voyez de temps en temps? Parfois, oui, bien sûr. Il y a eu en juin dernier donc toute une cérémonie, un événement scientifique à Francfort autour pour son anniversaire, pour ses 90 ans. Et on voit, c'est là qu'on a vu, on voit aussi la figure d'intellectuel important qu'il incarne pour l'Allemagne. C'est vraiment un des intellectuels officiels, au sens où c'est quelqu'un qui prend tout le temps la parole. Et là, c'était vraiment un événement qui a rassemblé vraiment tout Francfort, c'est-à-dire la bourgeoisie de Francfort s'est déplacée. Il y avait des milliers de personnes qui étaient venues assister donc à l'événement scientifique organisé autour de sa personne. Donc, c'est toute la question d'ailleurs de savoir si Habermas n'a pas droitisé l'école de Francfort en assumant la dimension bourgeoise de l'espace public, alors qu'Horkheimer justement lui reprochait d'être trop marxiste. C'est bien l'ambivalence, et c'est pas la seule d'ailleurs de la position d'Habermas dans cette école. Oui, tout à fait. Enfin, disons que c'est quelqu'un qui va connaître une évolution, mais peut-être comme la précédente génération l'a connu aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a le Horkheimer de la théorie traditionnelle et théorie critique des années 30, et puis ensuite le Horkheimer beaucoup plus schopenhauerien des années 50 et 60, et qui s'efforce de présenter une façade relativement lisse, on va dire une gauche non extrême, donc aux autorités de la RFA une fois qu'il rentre d'exil aux États-Unis, et donc voilà, il tente de faire oublier un certain nombre de choses qui a été faites à l'Institut. Donc lui-même a évolué comme ça, et disons que Habermas, son évolution, vu que c'est pas la même génération, se passe pas au même moment. Et effectivement, donc dans les années 60, il inquiète Horkheimer, quitte à ensuite effectivement devenir progressivement quelqu'un qui est plutôt un social-démocrate et notamment très concrètement était quelqu'un qui a soutenu Macron, Emmanuel Macron au moment de la campagne. Il s'exprime beaucoup, pas toujours par voie orale, et d'ailleurs en préparant cette émission avec Nicolas Berger et Manon de la Salle, on a cherché les archives d'Habermas, on en a trouvé très très peu, on en a trouvé une que je vous propose d'écouter parce que sa voix n'est pas beaucoup diffusée. La voici, puis on en parlera ensuite. The modern age stood above all under the sign of... L'époque moderne s'est développée sous l'égide de ce que Hegel appelle la liberté subjective. If you remember his philosophy of right, cette liberté s'est réalisée dans la société, qui est l'espace sécurisé par le droit privé et qui permet la poursuite rationnelle de l'intérêt personnel de chacun. For the rational pursuit of one's own interests. Cet espace a été sécurisé au sein de l'État comme le principe d'égalité des droits à la participation, à la formation des citoyens. Dans la sphère privée, comme une autonomie éthique et un espace pour la réalisation de soi. Enfin, dans la sphère publique qui permet l'éducation et l'édification grâce à l'appropriation d'une culture qui est devenue réflexive. On entend plusieurs choses dans cette archive de 1984. C'est l'enregistrement d'un cours donné par Habermas à l'Université de Cornell. D'abord, peut-être, et c'est pas le fait de la traduction, mais la technicité du vocabulaire qui est emblématique de l'école de Francfort et encore plus de ses prédécesseurs et de certains textes et certaines modalités d'intervention d'Habermas. On va la commenter, cette difficulté, parce qu'il faut l'affronter. Mais aussi, vous l'aurez peut-être entendu, une difficulté de prononciation d'Habermas lui-même. Et je me permets de le citer parce qu'il y fait référence directement dans un discours de réception du prix de Kyoto en 2004. Il écrit ceci. J'ai développé une approche philosophique centrée sur le langage et une théorie morale qui pourrait avoir été inspirée par deux expériences auxquelles écolier j'ai été confronté. 1. Les autres enfants ne comprenaient pas ce que je disais. 2. Cela entraînait une réaction de rejet de leur part. Oui, alors effectivement, c'est peut-être quelque chose qu'on note immédiatement quand on le rencontre. Donc il y a cette difficulté d'expression qui est liée à un bec de lièvre, donc qui est probablement a été, j'imagine, mal réparé, en tout cas qui effectivement déforme ses paroles. Et c'est quelque chose auquel il n'avait absolument jamais fait allusion. Enfin, c'est quelqu'un qui parle peu de sa vie, de sa biographie. Enfin, c'est quelqu'un qui est peu sur le mode subjectif. Et en fait, là, dans ce discours, effectivement, il a fait allusion au fait qu'il y avait probablement une raison biographique à son intérêt pour la communication. Donc, effectivement, cette forme de handicap. Et aussi, ce qui apparaît dans le passage dont vous parlez, le fait que ces handicaps aient été vécus dans l'Allemagne nazie. Donc, puisque voilà, il parle de son enfance, donc il doit avoir 6-7 ans, donc il est né en 1929, donc c'est vraiment l'Allemagne nazie, et donc il y a à partir de là toute une réflexion qu'il a eue autour de ce que signifie effectivement communiquer, être, donc dans l'idée de communication pour lui, ce qui est très important, c'est le fait qu'il y a une forme de reconnaissance qui est donnée dans la communication, c'est-à-dire que communiquer, enfin. Défendre un énoncé, c'est prétendre à ce qu'autrui reconnaisse la validité de ce que je viens de dire, d'une part. Donc il y a des bibliothèques entières sur ce que veut dire validité, mais en même temps, c'est ça qui est intéressant, il y a aussi une prétention à la reconnaissance de ce que je suis, donc en tant que locuteur, c'est-à-dire comme quelqu'un qui est doué de raison, capable de langage, voilà. Et donc dans n'importe quel acte de langage, y compris le plus simple, pour Habermas, il y a une sorte de pragmatique qui est en jeu, c'est le nom qu'il emploie pour renvoyer toute une série de suppositions que je ne peux pas ne pas faire dès lors que je commence à parler, eh bien je demande de la reconnaissance et j'en exige d'autrui. Et donc ça ne c'est pas quand nous comportons de manière particulièrement vertueuse dans l'argumentation, c'est toujours comme ça. En fait, on ne peut pas ne pas faire cela. Et donc, en fait, on voit, si vous voulez, on peut interpréter, c'est ce qu'il donnait à voir à son public à Kyoto, qu'il y a là probablement une expérience de déni de reconnaissance assez radicale qui lui importait. Et voilà, qui peut être liée à un ensemble de thématiques qu'il va développer dans sa philosophie morale dans les années 90, notamment, où il va parler de l'individu comme étant, enfin de l'être humain comme étant caractérisé par une vulnérabilité constitutionnelle. C'est-à-dire qu'en fait, on ne devient sujet que par la reconnaissance d'autrui. On acquiert une identité que par la reconnaissance d'autrui. Et donc, en fait, pour être, il faut être reconnu. C'est-à-dire qu'en fait, le sujet est second, l'intersubjectivité est première et le sujet est second. D'où, en fait, cette vulnérabilité absolue à la possibilité que je ne sois pas reconnu. Avant d'en arriver à l'examen de l'espace public, c'est vraiment la notion qu'il met en place dès sa thèse et qu'il va continuer de creuser et d'investir tout au long de son travail. Peut-être essayons d'expliquer comment la prise de distance se fait avec l'école de Francfort. On l'a dit, il n'y a pas simplement la relation avec Horkheimer, il y a aussi des sujets d'études particuliers qui vont l'éloigner. Alors il y a l'importance des actes de langage, vous en avez dit quelques mots. Et puis il y a aussi, alors philosophiquement c'est assez intéressant de voir comment ça se passe, un certain kantisme. C'est comme si Kant, le détour par Kant, qui inclut sans doute un éloignement vis-à-vis de Marx, eh bien, était ce qui allait le conduire en dehors de l'Institut de l'École de Francfort. Comment ça se passe? Alors, déjà, peut-être ce qu'il faut préciser, c'est que lui n'accepterait pas ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que lui considère qu'il incarne la théorie critique. D'accord, donc là, je fais le porte-parole, en fait, de ceux qui l'auraient trahi. Ok, exactement. Vous faites bien de me le dire. Si vous voulez, c'est lui n'a jamais dit « j'ai pris mes distances, je renie un certain nombre de choses ». Lui, il considère qu'il a fait évoluer la théorie critique, notamment en la faisant en sortant d'un cul-de-sac. En fait, c'est comme ça qu'il conçoit son évolution, en tout cas le début de son évolution, c'est-à-dire que à peu près Adorno et Horkheimer, dans les années 40 notamment, seraient arrivés à une sorte de voie sans issue dans laquelle ils constataient la manière dont la raison, qui était donc supposée être émancipatrice, s'était finalement abîmée dans une logique instrumentale qui avait dans un premier temps donné naissance au capitalisme et, j'allais dire, étape ultime au nazisme. Donc il y avait une sorte, si vous voulez, de sens de l'histoire, étant donné la façon dont la raison donc avait s'était développée, qui nous amenait nécessairement donc là dans cette espèce de dialectique sans réconciliation entre l'aspiration émancipatoire portée par la raison et de notre côté bon le fait que ça s'était transformé en oppression absolue et en barbarie absolue. Donc ce que veut faire Habermas, c'est en quelque sorte sortir de ce constat qui a l'air aporétique, donc on s'arrête, c'est fini quoi, voilà. Sortir du pessimisme au fond. Voilà. Et donc en fait ce qu'il va tenter de faire, c'est rechercher finalement des ressources qui seraient inexploitées, rebâtir la raison, la repenser, pour continuer finalement à essayer d'y trouver, à excaver ce qui aurait d'émancipatoire, et notamment dans un certain nombre de nos pratiques et de nos pratiques linguistiques. En fait, ça va être là, c'est le sens de son tournant linguistique, en fait, doit se comprendre comme... C'est l'expression consacrée, on parle du tournant linguistique dans la pensée d'Habermas. Et c'est donc à comprendre comme une volonté de corriger la théorie critique, mais donc d'y rester, j'allais dire. Mais pourquoi veut-il y rester au fond ? C'est ça que j'ai du mal à comprendre, en fait. Pourquoi a-t-il encore besoin de la théorie critique à partir du moment où il formule sa propre pensée en allant vers des voies qui sont différentes ? Ben, je pense parce qu'effectivement, il y a toute une série de concepts qui lui importent, qui vont de... Encore une fois, alors on est en train de parler de différentes périodes, mais qui vont de l'idée d'émancipation, qui reste très fort chez lui jusque dans les années 80, qui vont, par exemple, il a toute une pensée de la réification, qui est aussi assez typique de l'école de Francfort. Donc il y a des thèmes, et encore une fois, je pense une méfiance vis-à-vis du contenu politique non explicite des catégories qu'on utilise. Ça, je crois que c'est vraiment le geste critique qu'il a gardé toute sa vie. Donc voilà, il y a une constellation qu'il veut garder, même si ensuite, effectivement, il va développer toute une théorie de l'agir communicationnel, dans laquelle il s'agit de mettre au jour la façon dont la raison peut être cherchée dans ce qui se passe entre les sujets dès lors qu'ils communiquent les uns avec les autres. C'est-à-dire que la raison n'est pas une faculté personnelle, c'est quelque chose qui se déploie entre deux. D'où le recours à Kant ? Alors, bon, il y a effectivement quelque chose comme Kant, effectivement le Kant de qu'est-ce que les Lumières, l'idée d'un public donc qui s'émancipe en usant publiquement de sa raison, ça c'est clairement quelque chose comme ça, et effectivement c'est là pour le coup quelque chose qui lui est propre, et qui va progressivement donc donner lieu à toute une théorie politique dans laquelle il va se mettre en discussion avec des auteurs qui deviennent assez éloignés de la constellation francfortienne et ou marxiste. Et par exemple, dans les années 90, les années 80-90, c'est quelqu'un qui va par exemple beaucoup discuter avec John Rawls. Donc effectivement, là, il arrive sur des problématiques qui vont être plutôt libérales, même si évidemment il vient pour discuter, mais il y a effectivement donc une certaine façon de penser la démocratie, comment est-ce que on peut penser ce qui se passe dans l'espace public, est-ce qu'il s'agit par exemple d'établir un résultat valide, ce que va répondre Habermas, c'est-à-dire en fait on se met pas simplement d'accord, il s'agit pas d'établir un consensus par recoupement, ce qui serait en fait ce que voudrait Rawls, c'est qu'on se met d'accord et puis voilà, il y a un compromis si vous voulez. L'idée c'est que vraiment l'espace public produit un énoncé qui est valide ou prétend à la validité, c'est-à-dire qu'il a un contenu de vérité ou un contenu de justice très fort. C'est pas simplement ce sur quoi finalement, au bout d'une petite discussion, on s'est mis d'accord. C'est vraiment, il y a la recherche dans l'espace public d'un contenu valide. C'est ce qu'on appelle un contenu normatif, en fait. Et là encore, c'est notre distance avec la théorie critique, c'est qu'il affirme voilà ce que nous devrions rechercher dans l'espace public. Qu'est-ce que l'espace public ? Qu'attend-on de l'espace public ? Et quel rôle la raison peut-elle jouer dans l'espace public ? Voilà les questions auxquelles Habermas essaye de répondre et auxquelles on va essayer de répondre ensemble, Estelle Ferrarez, pour définir ce que c'est que l'espace public. Alors voici l'idéal de la sphère publique bourgeoise, il faut bien appeler les choses par leur nom, pour Habermas, d'abord grâce à Sacha Guitry, et puis le texte d'Habermas dans lequel il définit ce que serait selon lui cet espace idéal. Et comme Guitry, en fait, c'est le XVIIIe siècle. Quand Paris fait peur, tout est à redouter. Ce moine avait dit vrai et la révolution commença aussitôt. par toute une série de petites révolutions. Car c'en était fini des perruques qui ressemblaient à des oreilles d'Espagnols, et la mode apparut soudain des perruques poudrées. Tandis que d'autre part s'ouvraient les salons littéraires qui allaient jouer un si grand rôle. Madame, j'aimerais savoir de vous quelle impression cela fait d'être la femme la plus intelligente de Paris. Il faudrait demander cela à Madame d'Épinay. Et nous, c'est elle qui m'a dit de m'adresser à vous. Diderot, je vous salue. Et moi, je me roule à vos pieds, madame. Monsieur Montesquieu, je suis votre valet. Madame, je vous annonce une grande nouvelle. Latude est libérée après 35 années d'incarcération. Non. Je voudrais savoir comment il se fait que dans des salons littéraires comme les nôtres, nous nous occupions tant des emprisonnements et des évasions de ce malheureux Latude. Parce que ce malheureux Latude personnifie le peuple, madame, et que le peuple est en ébullition, déjà. Déjà ? À vrai dire, madame, les Français, jusqu'à présent, n'ont jamais su ce que c'était que d'avoir une opinion politique. Une opinion politique ? Vous êtes royaliste, n'est-ce pas ? Oui, bien entendu. Enfin, ça, ce n'est pas une opinion. Eh bien, madame, ça peut le devenir. Quelles que soient les différences entre les sociétés de convives, les salons et les cafés, dans l'étendue et la nature de leur public, dans leur style de vie, dans la tournure de leur raisonnement et l'orientation de leurs principes, ils ne cessent néanmoins d'incarner une des aspirations à la discussion permanente entre personnes privées. Et ils offrent ainsi toute une série de critères institutionnels communs. En premier lieu, on peut y constater l'exigence d'une sorte de commerce de société qui, loin de supposer une identité, par exemple celle de la condition sociale, en fait au contraire complètement abstraction. La politesse d'une égalité fondée sur la valeur de la personne s'impose peu à peu contre le rituel des hiérarchies. La parité signifie pour l'esprit de l'époque l'égalité des personnes en tant que simples êtres humains. La discussion au sein d'un tel public suppose en second lieu que soient mis en question des domaines qui jusque-là n'avaient pas prêté à discussion. Le même processus qui fait de la culture un sujet de discussion aboutit en troisième lieu à ce que le public ne puisse par principe jamais se fermer sur lui-même. Les questions dont on devait pouvoir discuter devenaient générales, non seulement en raison de leur importance, mais aussi de leur accessibilité. Tous devaient pouvoir y prendre part. France Culture. Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Et nous parlons de l'école de Francfort cette semaine. Aujourd'hui, deuxième génération, Jürgen Habermas, dont vous venez d'entendre un texte lu par Hélène Losseur. C'est la philosophe Estelle Ferrarez qui est avec nous en studio pour en parler, qui enseigne la philosophie morale et politique à l'université de Picardie Jules Verne. On peut distinguer trois critères dans le texte formulé par Habermas. La parité. Enfin, trois critères au bon fonctionnement d'un espace public. La parité, la discussion de sujets d'intérêt général et l'accessibilité à tous de la sphère publique. Ça paraît tellement évident qu'on se demande pourquoi est-ce qu'il faut encore le formuler, non, Estelle Ferrarez ? Oui, parce que l'idée d'espace public a été beaucoup discutée depuis le XVIIIe siècle. Donc effectivement, Habermas reprend des choses qu'on va retrouver chez un certain nombre de philosophes français du XVIIIe siècle, bon, chez Kant, comme je l'ai dit plus tôt. Donc effectivement, c'est là, il reprend ce moule de manière assez exacte sur la représentation des lumières, en fait, quand il énonce ses différentes propriétés. Donc, Non, mais quand je dis que c'est évident, je m'étonne que ce soit pas applicable, en fait, enfin appliqué. C'est plutôt ça, c'est l'écart entre ce qu'on dit, et c'est difficile d'être en désaccord avec lui, et le fait que s'il faut encore le dire aujourd'hui, 200 ans après, les premières personnes qui l'ont formulé, c'est que ça n'est pas le cas dans la réalité. Oui, bah ça c'est évident. C'est-à-dire que il y a, si vous voulez, cette espèce de conviction qu'il y a une égalité suffisante qui est donnée dans l'échange d'arguments. Hein, c'est-à-dire le fait que je reconnais autrui comme père dès le moment où je soumets un énoncé à sa critique. Je le reconnais comme quelqu'un qui a le droit de critiquer ce que je dis, de répondre, et donc je m'engage d'une certaine manière derrière à affûter mon argument, à le reformuler. Et donc voilà, s'engage, si vous voulez, une relation qui est paritaire sur le simple plan de l'échange. Mais ça supposait effectivement une mise entre parenthèses des statuts sociaux. C'est-à-dire, c'est un moment, c'est une sorte de jeu, quoi, de jeu de rôle, hein, qui n'avait pas d'influence, évidemment, sur les hiérarchies sociales par ailleurs existantes. Et c'est effectivement quelque chose qui... Habermas, faut dire, quand il écrit ça, enfin quand il se tourne vers cette conception des Lumières, a bien en tête. Hein. C'est-à-dire que c'est sans naïveté qu'il rend compte de ce qui est en train de se passer dans un milieu bien particulier, donc la bourgeoisie, dont il comprend bien que toute cette fiction fonctionne parce qu'il est basé sur un ethos de classe, ça il le dit à plusieurs reprises, et que il y a des, en fond derrière tout cela des intérêts de classe, mais là encore qui peuvent être dépassés. C'est-à-dire que il ne nie pas qu'il y avait quelque chose d'absolument artificiel dans cette forme d'égalité à laquelle on aspire et qui peut être en partie est créée à ce moment-là dans ces formes de discussion. Mais c'est pour insister que peut-être qu'à un moment donné, cet intérêt de classe-là a coïncidé avec une forme d'intérêt général. Donc c'est ça le donc il tourne pas complètement le dos au marxisme à ce moment-là, c'est ça? Voilà, absolument. Non, mais il y a vraiment une conception, enfin une idée assez claire là-dessus, hein, c'est-à-dire il ne dit pas, c'est sans, il n'essaye pas de dire que oui, il y a vraiment eu de l'égalité substantielle qui aurait été, qui serait née de cet espace public. Hein. Il le dit bien, ça suppose une mise entre parenthèses qui repose sur un intérêt de classe. Mais cet intérêt de classe avait en lui-même quelque chose qui le dépassait et qui donc pointait vers une forme d'émancipation qui ne devait pas que concerner la bourgeoisie. Le problème étant que les années 60, 1960, sont bien différentes du 18e siècle. Absolument. Dans quelle mesure est-ce que ce modèle du 18e peut s'appliquer à l'époque à laquelle Habermas commence à réfléchir sur la question de l'espace public? Alors effectivement, bon, ça c'est quelque chose qui est disons problématique, notamment parce que là pour le coup on se retrouve face à un espace public qui fonctionne et qui fonctionne même de manière assez vigoureuse, et on va se retrouver Habermas d'ailleurs lui-même va faire l'expérience d'un espace public qui le dépasse en tout cas en partie sur la gauche, puisque bon, l'école de Francfort en général et Habermas en particulier se sont retrouvés en difficulté face aux étudiants de mai 60 qui d'un côté donc se revendiquaient d'un certain nombre de choses qui avaient été faites, alors là pour le coup par la première génération dans les années 30, et donc ce qui a donné lieu à un certain nombre d'incidents à l'institut, hein, avec des étudiants qui ont pénétré de force, qui ont commencé à insulter Adorno. Bon, Adorno d'ailleurs a pris sa retraite de manière un peu anticipée suite à ce genre d'événements, et dans lesquels, enfin c'est aussi des événements dans lesquels a été embarqué Habermas, puisque il a été amené à traiter Rudi Dutschke, qui est un des leaders du mouvement étudiant allemand, de fasciste de gauche. Donc on voit aussi que par rapport à la manière dont l'espace public réellement existant de l'époque fonctionne, il y a clairement un écart, une discrépance qui se crée. Voilà. Dans l'espace public 1962, Habermas écrit ceci: « On assiste à un renversement complet dans la structure des institutions de presse. Le modèle libéral de la sphère publique impliquait que les institutions du public, qui faisaient usage de sa raison, fussent à l'abri de l'intervention du pouvoir, dès qu'elles étaient entre les mains de personnes privées. Mais dans la mesure où ces institutions ont subi les effets de la commercialisation et de la concentration, tant sur le plan technique que sur celui de leur organisation, elles ont pris durant les 100 dernières années la forme de grands complexes détenteurs de puissance sociale. Au point que désormais, c'est précisément le fait qu'elle reste sous contrôle privé qui menace sous bien des aspects le caractère critique de certaines fonctions de la presse au sens large. Comparé à la presse de l'ère libérale, les masses médias ont acquis de nos jours une efficacité et une portée incomparablement plus grande et sont responsables de l'extension parallèle subie par le domaine public en tant que sphère. Mais d'un autre côté, ils n'ont cessé d'être rejetés hors de la sphère publique pour être récupérés par la sphère autrefois privée des échanges. Plus est grand leur impact sur le plan journalistique et public, et plus ils deviennent accessibles à l'influence de certains intérêts privés, qu'ils soient individuels ou collectifs. Moi, je sais ce qu'il va voir à la télé, mais je vous le dirai pas. Ce programme est un reflet de la télévision. Il est susceptible de présenter des séquences pouvant heurter la sensibilité du jeune public. La place d'Italie, occupée. Dans la foule clairsemée, peu de gilets jaunes, mais beaucoup de vêtements noirs. Mais c'est super sympa! Il y a sur la planète Terre des terriens qui savent pertinemment qu'ils sont des descendants d'un contact qui a eu lieu entre une civilisation extraterrestre et nos ancêtres. À force de secourir des personnes en grande détresse, Laurent se sent parfois impuissant. Que tu viennes critiquer moi mon rôti de voix alors que t'as fait du kangourou. Pendant qu'on bouge la caméra, puisque une intervention a lieu juste derrière nous. Il ne peut pas frapper parce qu'il s'est excentré, alors il va centrer. Oh, il va centrer pour Antoine Griezmann. Même un monument hommage aux soldats morts pour la France reçoit des coups de massue. Et je me méfie toujours du passé qui ressurgit à des moments tactiques ou à des moments critiques. Mais vous parlez de Yann Moix ou de Roman Polanski? Non, de Roman Polanski. Pour la première fois ensemble, elles sont juste à côté de ce studio, les 30 Miss Régionales autour de Sylvie. Est-ce que tu t'es déjà masturbé en chiant? Ça fait rêver les petites filles. Eh ben, ça fait pas beaucoup rêver, hein, justement, le mix des médias contemporains, enfin un zapping en fait de la télévision française concoctée pour vous par Nicolas Berger. Alors Habermas, dans le texte que j'ai lu, on comprend peut-être la critique des mass médias qu'il formule. Pour lui, les nouveaux médias retirent toute occasion de distance émancipatoire, c'est l'expression, et réduisent l'usage de la raison. Là encore, c'est encore plus indéniable aujourd'hui, Estelle Ferrares, non? Alors, est-ce que c'est encore plus indéniable aujourd'hui? Je pense qu'il y a de toute manière, enfin, si on s'en tient à Habermas, une approche critique des médias et de manière générale de tout l'appareil culturel qui va enserrer l'espace public dès le départ chez Habermas. C'est-à-dire que il y a véritablement le principe d'une dialectique inhérente au capitalisme qui permet d'un côté la publicité, la circulation à grande échelle d'un certain nombre de produits culturels et dans le même mouvement transforme cela en marchandise et dont le corrompt immédiatement. Donc en fait, dans l'espace public, ce qu'il essaye de montrer, c'est que c'est le même mouvement qui, en marchandisant des choses qui pouvaient à chapeau marché jusque-là, je sais pas, par exemple l'échange de lettres entre des marchands, en fait, qui vont progressivement prendre la forme de la presse professionnelle. Eh bien, ça, c'est à la fois quelque chose qui va donc permettre une diffusion très large, la circulation de contenu qui jusque-là restait lié à un tout petit milieu ou qui était très local, ou restait localisé. Et donc, en même temps, cette marchandisation, va corrompre ce qui est distribué. Dans l'espace public, ce qui est discuté avec une pénétration très rapide des intérêts privés. Et ça, en fait, il va le dire dès le XVIIIe siècle. C'est-à-dire qu'au fond, dans l'espace public, ce qu'il tente de montrer, enfin, dans le livre L'espace public de 1962, l'espace public, dès le départ, incarne à la fois un idéal et immédiatement abîmé. Il y a un moment qui va être une sorte d'âge d'or, mais un âge d'or qui est presque irrepérable. Au fond, le paradoxe, c'est que dès lors qu'on essaie de donner la parole à plus de monde qu'un cercle restreint, où faut qu'on a un idéal ou d'expression qui serait accessible à tous, et alors la parole elle-même finit par se perdre et se fourvoyer, c'est ça? Alors c'est pas forcément la question du grand nombre, enfin c'est pas en tout cas comme ça. Il y a un idéal démocratique quand même derrière, non? Tout à fait, ouais. mais c'est effectivement la question du médium qui est utilisé là, qui va absorber la critique de Habermas. Je pense pas que l'idée ce soit bon tant qu'on était un tout petit milieu et quelques dizaines de personnes savantes, eh bien ça allait. Et puis c'est à partir du moment où on a commencé à associer toute une série de personnes avec un langage plus profane que ça a commencé à se pervertir. Ça c'est vraiment pas ça. Je pense que Habermas de cette époque-là, mais aussi c'est ce qu'on va retrouver en fait dans sa théorie de l'espace public plus contemporaine, parle vraiment de locuteurs qui sont, j'allais dire, tous compétents. Ce qui l'intéresse, c'est est-ce qu'on maîtrise ou pas le langage, et ça suffit. C'est-à-dire qu'il n'est pas en train de parler de personnes qui seraient ou qui devrait être, pour que ça marche bien, très compétent, avec supposant un art de la rhétorique. Donc quel est le problème? C'est pas uniquement l'art du langage, c'est aussi le support lui-même? Alors ça peut être le support, effectivement, dans la mesure où, en tout cas c'est ce qu'il va dire dans les années 60-70, quelque chose qui est mis en forme par le capitalisme, et donc à partir de là, il y a donc toute une logique de l'industrie qui pénètre la façon dont fonctionnent notamment les médias, et donc va pervertir ce qui est échangé, dans la mesure où puisque en fait, si vous voulez, comme d'après le texte que vous venez de lire, un des critères, c'est vraiment la mise en question de domaines, de nombreux domaines, de tous les domaines possibles. En fait, précisément, il y a émancipation dès lors que plus aucun domaine ou plus aucun objet n'est laissé hors de la discussion. C'est-à-dire que certaines choses qu'on ne devait pas discuter, qu'on ne pouvait pas discuter, mais on commençait à discuter. Par exemple, l'existence de Dieu, par exemple. Enfin bon, n'importe quoi, donc qui était maintenu hors critique, hors exercice de la critique. Bon, et cette ouverture principielle va se retrouver contrecarrée ou empêchée par le fait que finalement les mass médias, vont pousser, visibiliser plus certains objets que d'autres, et donc finalement complètement détourner cet exercice. En réalité, il serait possible que tous les objets soient effectivement discutés, mais en réalité, tout ce qui est effectivement discuté, est choisi par des masses médias qui donc effectivement, comme les passages qu'on vient d'entendre, oriente finalement l'expression de certaines opinions. Le paradoxe étant qu'Habermas lui-même a été un temps très présent dans les médias dans les années 70 notamment, au moment où paraît même de tout le texte sur l'espace public, et il commence à être très connu en Allemagne, il occupe les plateaux télévisés, enfin il est là, il leur tourne pas le dos. Ah non, mais c'est pas seulement dans les années 70, c'est jusqu'à aujourd'hui. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est ce que vous disiez, ouais, mais donc, très tôt en fait, c'est ça que absolument, absolument. Donc là, pour le coup, je pense que il y a effectivement, bon, encore une fois, là, peut-être une forme de fidélité à l'esprit de la théorie critique, hein, c'est-à-dire qu'il s'agit véritablement d'être un philosophe qui intervient dans le monde, enfin ça, sur ça, je pense que c'est pas quelqu'un qui simplement, bon, voilà, discute avec ses pairs de l'université. Et effectivement, il va prendre ça vraiment à cœur jusqu'à devenir, bon, comme une sorte d'intellectuel officiel en Allemagne. Il a pris position dans toute une série de polémiques qui vont, je sais pas, de quelque chose qui s'est appelé la querelle des historiens dans les années 80 en Allemagne, où en fait, la question qui se posait, c'était celle de la place de la Shoah dans l'histoire allemande. Il a de très nombreuses fois pris position par rapport à l'Europe. Ouais. C'est un européiste convaincu et qui donc a souvent intervenu dans les médias allemands, mais aussi dans les médias européens, par exemple dans Le Monde, hein, pour dire à quel point il fallait sauver l'Europe. En fait, plus il a été menacé et plus en fait il a pris la parole pour le dire. Il a pu parler, je sais pas, de la question du droit d'asile. Il a pu parler de certaines crises qu'il y avait au moment où il vivait dans une Allemagne qui était divisé en deux États. C'est un devoir pour lui. Il le dit toujours dans le même discours de Kyoto. Il dit l'intellectuel doit spontanément faire un usage public de son savoir professionnel, c'est-à-dire des connaissances dont il dispose en tant que philosophe, écrivain, sociologue, physicien ou autre. Sans être impartial, il doit s'exprimer en conscience de sa faillibilité. Il est par ailleurs attendu de l'intellectuel qu'il puisse se livrer à un exercice difficile de corde raide. Il trahira son autorité sur les deux tableaux s'il ne sépare pas avec le plus grand soin son rôle public de son rôle professionnel. Et il termine en disant « Il ne doit pas utiliser l'influence qu'il acquiert avec ses mots comme un moyen de conquête du pouvoir. Il ne doit pas confondre influence et pouvoir, donc. Dès lors qu'ils assument des fonctions publiques, les intellectuels renoncent à être des intellectuels. » C'est quand même intéressant, ça veut dire qu'il y a quand même... Déjà, il y a une distinction entre intellectuel et philosophe qui fait un peu plus haut. Et ensuite, que ce devoir-là a des conséquences en retour sur l'activité même de l'intellectuel, disons, à l'université. Absolument. Je crois qu'en fait, il a la conviction profonde d'un devoir de s'exprimer et en même temps d'une forme de modestie quant au fait que ce qu'il fait dans l'espace public, ça, à la fin, ça n'est qu'une proposition parmi d'autres qui doit donc passer par les mêmes procédures de validation dans le langage quotidien que la proposition de n'importe quel autre locuteur. Mais qui ont une influence en retour sur son travail en tant qu'intellectuel, en tant que chercheur. Absolument. Donc il y a véritablement cette volonté de poser, de prendre en considération le fait que le théoricien critique, le philosophe, l'intellectuel ne peut pas, par exemple, décider de sa seule autorité, ce qui est universel ou universalisable, enfin, etc. C'est véritablement une sorte d'intérêt ou d'orientation vers ce qui se passe dans l'espace public en train de débattre, en train de fonctionner, qui doit l'amener à corriger, y compris donc certaines de ses prises de position. Et comment est-ce que cette attitude est perçue en Allemagne? Parce qu'en France, il y a une grande méfiance à l'égard des intellectuels qui donnent leur avis, leur opinion sur tout n'importe quoi. C'est même plutôt méprisé ou moqué. Alors, bon, il a évidemment des grands ennemis, j'allais dire, bien sûr. C'est plutôt bon signe. Oui, bien sûr. Mais c'est quelqu'un qui a une vraie autorité, dans les médias. C'est quelqu'un. Donc, il a réussi à garder une légitimité intellectuelle tout en occupant un espace médiatique important. Oui, je le pense. Il a probablement une figure d'intellectuel qu'on n'a plus en France aujourd'hui. Il y a eu dans les années 60, 70, effectivement, des grands intellectuels. Mais aujourd'hui, ça s'est un petit peu, c'est moussé. Alors que là, on a encore en lui, bon, il est plutôt jeune, mais un des derniers grandes figures d'intellectuels en Allemagne. Parmi les critiques qui peuvent être énoncées à son encontre, on peut penser de manière assez spontanée à l'importance qu'il accorde à la raison. Est-ce que l'espace public et la politique plus généralement, mais vraiment l'espace public et donc aussi la communication entre tous les individus, peut se faire uniquement au nom de la raison? Est-ce que finalement, nous ne sommes pas mus aussi par des intérêts qui sont d'ordre affectif, qui sont d'ordre sensible, et qu'il faudrait peut-être s'accorder sur le fait que l'utilisation de la raison elle-même ne peut pas vraiment être quelque chose de fiable dès lors qu'on essaye d'établir une espèce de règle, peut-être tacite, d'une forme d'éthique de vivre ensemble. Alors, bon, toute l'idée de Habermas, c'est très optimiste en fait. C'est ça que je veux dire quand même. Oui, absolument. Mais c'est bien ce qui lui a été reproché. Et lui, en fait, ce qu'il veut dire, c'est que en fait, ce qu'il décrit peut se passer d'affect, puisqu'encore une fois, c'est quelque chose qui est lié à votre capacité même d'être en tant que locuteur. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'y croire, vous n'avez pas besoin d'y réfléchir, vous n'avez pas besoin d'y mettre de la passion, mais n'empêche que ce que vous faites lorsque vous prenez position dans l'espace public, c'est soumettre votre énoncé à une forme de validation critique par autrui. Et donc le reste, j'allais dire, ne va pas peser ou... Mais c'est pas par la raison qu'on juge. Les auditeurs qui nous écoutent, c'est pas forcément, ils n'ont pas forcément un raisonnement à l'aune duquel ils jugeraient de notre prestation. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui. Parfois, mais... on aime, on n'aime pas. On se contente de dire ça, d'ailleurs. Oui, oui, oui. Bon, absolument. On écoute la voix plus que le propos. On écoute, voyez. Enfin, c'est, on n'est pas, y compris avec des auditeurs de cette émission qui veulent entendre des arguments rationnels. On écoute plein d'autres choses. La raison n'est pas toujours première. Oui, oui. Je parle de moi aussi. Hein. Oui, oui, non, mais je me mettrai aussi dans la liste. L'idée, c'est que pour Habermas, cette raison, d'abord, encore une fois, ça n'est pas quelque chose qui serait individuel, qui serait en nous. Ce n'est pas une faculté, d'accord. C'est vraiment entre nous. Donc, c'est pas vous l'effort que vous faites, d'accord, qui va décider de la rationalité de ce que vous produisez. Voilà. Ensuite, bon, sur la question des affects et de la manière dont elle peut éventuellement se saisir de l'espace public, bon, c'est vrai que c'est quelque chose dont il se défend. Hein. C'est par exemple, c'est bon, il a, pour certains aspects, il a de bonnes raisons. C'est-à-dire que par exemple, sur tout ce qui va être les affects de type nationaux ou culturels, hein, c'est quelqu'un qui considère que la politique peut et doit se faire en l'absence d'affects, notamment parce que pour lui, donc il parle en tant qu'allemand, la dernière fois que des affects ont pénétré massivement dans l'espace public, ça s'appelait le nazisme. Donc voilà, donc lui c'est vraiment aussi un parti pris, j'allais dire, hein, qui l'amène à considérer que bon, il y a toute une série de gêne, de bruit, hein, autour de la façon dont les personnes argumentent, qui doivent être neutralisées. Ça, c'est, il y a vraiment un parti pris délibéré. Bon, maintenant, ensuite, effectivement, il y a toute une série de critiques qui lui ont été faites depuis des perspectives très différentes quant à la naïveté de ce qu'il propose, notamment, par exemple, du point de vue de la psychanalyse, qui va dire que de toute façon, ce qui s'échange dans une argumentation, c'est peut-être des arguments, mais beaucoup d'autres choses. De point de vue aussi, par exemple, bourdieusien, les sociologues ont pu dire, mais bon, de toute façon, il y a aussi beaucoup de pouvoir qui passe dans les argumentations, des façons finalement de ne pas jouer le jeu de l'argumentation, mais au contraire de forcer la conviction d'autrui. Ou Nancy Fraser, dont vous étiez venue parler d'ailleurs à ce micro, c'était l'an dernier à Cité Philo, hein, Lille, qui, elle, montre bien que la sphère publique telle que la conçoit Habermas ne peut être un idéal que dans la mesure où ceux qui y participent sont déjà tous égaux, en fait. Et faire comme si les inégalités n'existaient pas ne suffit pas à établir une réelle parité, on avait prononcé le terme, de participation dans l'espace public. Oui, oui, absolument. Donc, Nancy Fraser, donc, a développé une critique féministe d'abord de la théorie de Habermas, notamment en montrant que précisément en raison de relations de pouvoir qui ne peuvent pas manquer de se nouer ou en tout cas de s'exercer dans l'espace public, parfois, eh bien, l'émancipation, notamment de certains groupes, va supposer le fait de délibérer séparément. Hein, donc, elle va mettre en place le concept de contre-public subalterne, hein, c'est-à-dire contre-public subalterne. Oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire que ce sont des moments. Hein, c'est pas destiné à rester tel quel, mais ce sont des moments dans lesquels, par exemple, les personnes dominées ou qui le seraient dans l'espace public général parce qu'ils ne maîtrisent pas le vocabulaire, parce qu'ils sont sujets de toute une série de dispositifs en fait qui les maintiennent dans une position subordonnée dans l'espace public général, et bien ces personnes commencent à délibérer entre elles. Donc c'est la non-mixité par exemple? Ça peut être ça, oui, effectivement. C'est aussi ça renvoie en tout cas à la non-mixité telle qu'elle avait été mise en place par les féministes dans les années 70. Voilà. Mais c'est un moment, puisque de toute manière, là, pour le coup, Nancy Fraser considère elle aussi que par principe, l'espace public est ouvert à tous. Hein, donc mais il y a effectivement la nécessité de neutraliser ces effets de pouvoir dont Habermas ne se méfie pas suffisamment, d'après elle, comme d'après beaucoup d'autres. Donc en fait, Nancy Fraser fait à Habermas le reproche que lui faisait à Rawls. Oui, si avoir une sorte de rationalité trop déconnectée de la réalité, y compris sociale, et des inégalités sociales. Oui, oui, absolument. Mais Nancy Fraser est peut-être est quand même quelqu'un de relativement berbatien, en fait. C'est une critique interne, donc c'est aussi normal que ça fonctionne de cette manière-là. La question se pose de savoir ce qu'il reste de la pertinence, de son élaboration de l'espace public tel qu'il l'entend, dans un contexte qui a beaucoup changé, alors non seulement depuis les années 60, mais aussi depuis les années 90. En 2019, l'espace public ressemble à autre chose, en fait, même par rapport aux extraits que nous avons commentés, même les mass médias, le terme ne signifie peut-être plus grand-chose. Aujourd'hui, on parle des réseaux sociaux, et les formes d'exclusion de l'espace social prennent des visages différents. Voici un extrait, et je vous propose ensuite qu'on examine ce cas. Moi, j'habite à côté d'une forêt, je suis à 4 ponts de la Tour Eiffel et à 4 km de Versailles. Je vais travailler à pied, je suis une privilégiée, mais je ne peux pas accepter ce que je vois à la télévision. Et je suis venue ici exprimer ma colère. Bah, vous avez raison. Vous avez raison, parce que moi qui roule avec un diesel, je travaille avec ma voiture, je travaille avec mon véhicule, je transporte des enfants. Moi, si on me supprime ça, j'ai plus de boulot, j'ai plus rien. Mais cherchez pas la merde, les mecs, ça, ils cherchent que ça. Ils cherchent que ça, eux. Calmez-vous, là. Non, mais là, il s'est fait jeter par terre. On est d'accord, mais voilà. Il s'est fait jeter par terre, cherche... le monsieur. Ouais, mais s'ils cherchent ça, on il parle autrement. Qu'une chose, c'est générer la violence. C'est-à-dire que Macron... La République en marche empêche le peuple français de marcher, c'est quand même un comble. Je parle fort parce que j'ai envie qu'on m'entende, c'est juste une envie, j'ai envie qu'on m'entende. Pas de soucis, pas de problème. Si tu parles avec eux, pour eux, tu cries. On pourrait pas parler avec eux, c'est des êtres humains, c'est quoi? Ils parlent pas avec toi. Ils parlent pas, mais t'as le droit d'essayer. Qui ne tente rien n'a rien. Moi, j'essaie de faire un dialogue avec la police. Si je peux pas parler avec la police, pourquoi je devrais l'écouter? À un moment donné, moi j'ai un cerveau, j'ai envie de comprendre les choses. Si je suis là, tous mes amis me disent, mais t'es un malade, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Tu vas te faire embarquer. Mais alors, tu fais quoi? Je reste devant ma télé à écouter BFM et à écouter si vous me dire si Macron a raison ou non. Un extrait de l'émission Les Pieds sur Terre, diffusée sur France Culture le 21 novembre 2018. Que reste-t-il de la belle idée de l'espace public quand les revendications d'une position qui se sentirait elle-même exclue de cet espace public se multiplie par d'autres moyens, même si là dans les témoignages il y avait beaucoup de références à la télévision. Les Gilets jaunes ont commencé à se regrouper par le biais d'appels sur Facebook, alors je sais pas si on peut parler de mass médias, ça n'a pas trop de sens, mais par un moyen d'expression de communication qui ne passe pas par la télévision, mais qui crée une forme d'horizontalité. Alors comment est-ce qu'on peut appliquer la réflexion de l'espace public telle que la développe Habermas à ce cas-là, Estelle Ferrares? Non, mais je pense qu'effectivement, on entend bien en plus dans le dernier témoignage, en fait... Il veut parler. Il veut parler. Et justement, il dit qu'il veut y compris se confronter à la police. Donc c'est vrai, j'allais dire presque idéal typique pour illustrer ce qu'essaye de dire Habermas. Alors clairement, sur la question des réseaux sociaux, là, faut le souligner, Habermas n'a pas grand-chose à dire. C'est quelqu'un qui a toujours un petit peu postulé une sorte de transparence du média ou du médium qui permet l'espace public ou par lequel passe la discussion. Donc c'est pas quelqu'un qui a été attentif au fait que ça changerait si c'est de l'imprimé, si c'est par le moyen de la communication télévisuelle, et donc si c'est ou pas les réseaux sociaux. Donc effectivement, dans les écrits du début des années 2000, on voit apparaître les réseaux sociaux, mais pas comme quelque chose qui aurait des propriétés radicalement différentes. Hein, encore une fois, lui, ce qu'il voit, c'est le langage. Et le médium apparaît comme relativement neutre. Donc sur ça, c'est vrai qu'il est passé peut-être à côté d'une analyse un petit peu plus pointue de ce qu'il est en train de se passer. Maintenant, moi, ce que je crois et ce que j'entends dans les différents extraits que vous venez de nous entendre, c'est effectivement... une façon, enfin une sorte d'irruption violente dans un espace public qui est formé, comme on le disait tout à l'heure, qui est conformé par des médias et des médias officiels, par une sphère politique institutionnalisée, complètement organiser le débat autour d'un certain nombre d'objets en retirant d'autres. Et ça, c'est notamment l'effet des médias. Effectivement, avec toute la critique de BFM qu'on a souvent entendue, mais c'est aussi, par exemple, au fond, ce qu'a retenté un peu plus tard Emmanuel Macron avec son grand débat. Hein. C'est-à-dire que là, on se retrouve avec un débat qui est initié par le système politique, donc il ne vient pas d'en bas, et qui va vider de son sens l'idée même d'espace public qui suppose une forme d'horizontalité forte. Il me semble que on voit l'actualité de ce que propose Habermas ou de ce que proposait Habermas en partie. Attendez, comment est-ce que quand le président va intervenir auprès des citoyens, il brise la notion d'espace public? Ben oui, parce que là, si vous voulez, c'est quelque chose qui est initié par le système politique. Ça n'est pas un public qui s'arroge lui-même la possibilité de critiquer un certain nombre d'énoncés. C'est quelque chose qui est mis en place par des élus locaux sur un certain nombre de thèmes particuliers avec des règles qui sont établies. Là, c'est la démocratie représentative. Sinon, ça veut dire que la notion d'espace public n'est pas compatible avec toute forme de représentation et de verticalité. Elle est compatible, mais encore, la question c'est celle de l'origine. En fait, est-ce que l'espace public est une institution ou le devient ou pas? Et sur ça, je pense que Habermas, à de nombreuses reprises, a dit que non. C'est-à-dire que... C'est pas une institution. Ce n'est pas une institution, c'est quelque chose qui doit rester à un niveau informel. Et dès lors que vous avez un pouvoir politique qui peut être un pouvoir national, mais comme vous pouvez voir aussi depuis quelques années, enfin depuis même quelques décennies désormais, toute une série d'élus qui, entre guillemets, consultent leurs administrés pour avant de prendre une décision, alors on se retrouve, si vous voulez, à un phénomène de captation de l'idée même d'espace public. Pour mettre en scène une délibération qui en réalité est complètement conformée, dirigée dans un certain sens, etc. Donc en fait, les réseaux sociaux sont au contraire de bons outils pour l'espace public. Et ben, c'est une façon absolument, c'est une façon de pénétrer de manière virulente dans un espace public qui était largement conformé par différentes forces, dont les mass médias traditionnels et le système politique. Merci beaucoup Estelle Ferrarès, on doit s'arrêter maintenant. Merci beaucoup d'être venue nous parler d'Habermas ce matin. On mettra sur le site des Chemins de la philosophie les différents ouvrages que vous avez consacrés, vous avez traduit des ouvrages de Nancy Fraser, vous avez écrit un ouvrage sur Adorno et Le Caire, et puis évidemment sur Jürgen Habermas. Tout ça sera en ligne sur le site des Chemins. Merci, à bientôt. Merci. Can I speak to the world, please? C'est l'appel de Marty Kane pour terminer cette émission sur Habermas. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Il est temps de retrouver le journal de la philo, présenté par Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Ce matin, vous nous parlez de puissance. Oui, ce terme est devenu un élément de langage, on l'entend à toutes les sauces. Un film, un café, une rencontre est puissante, mais notamment les femmes, depuis la parution du roman de Marie Ndiaye en 2009, « Trois femmes puissantes ». Qu'est-ce qui peut bien plaire dans ce terme et dans cette idée de puissance, connue en philosophie dès l'Antiquité sous la plume d'Aristote, comme capacité et pouvoir, que reste-t-il de son concept aujourd'hui ? Je suis Léa Salamé et je vous propose une série d'été, une rencontre avec des femmes puissantes. Pourquoi femmes puissantes ? D'abord parce que ce sont deux mots qui sonnent bizarres à l'oreille. On dit des femmes qu'elles sont belles, douces, charmantes, délicieuses, parfois méchantes, parfois manipulatrices, mais on dit rarement des femmes qu'elles sont puissantes. Et bien cet été, je vous propose de rencontrer 9 femmes puissantes. puissante, c'est le nouveau terme à la mode et pour ma part, je suis déjà à bout. Je suis pourtant, comme tout le monde, séduite par ce nom, sa sonorité et sa connotation. Ce que j'aime en lui, c'est qu'il est doux à prononcer avec ses murmures de S, son joli puits et son anse final, ample et élancé. Et qu'il désigne dans le même temps quelque chose de ferme et déterminé. C'est comme si la puissance cachait bien son jeu et en avait sous la pédale. C'est d'ailleurs l'idée que l'on a de la puissance dès l'Antiquité. Aristote, le premier à la théoriser, la définissait ainsi comme une capacité, c'est-à-dire comme une aptitude, une disposition à faire quelque chose mais que l'on n'utilise pas forcément, que l'on ne réalise pas forcément. Une nuance qui a de quoi plaire car on retrouve cette valeur à la fois adorée et détestée de nos jours, la force, mais pas donnée telle qu'elle. Au fond, la puissance serait une force qui ne dit pas son nom, qui avance masquée, qui sous une sonorité plus douce serait peut-être plus acceptable et irait alors peut-être mieux aux femmes. Eh bien, c'est la question que je me pose à force de l'entendre accoler aux femmes, justement. Pourquoi les femmes seraient-elles puissantes et ne seraient-elles pas autoritaires, fortes, pleines de pouvoir? Pourquoi ne seraient-elles que capables, disposées, aptes à agir et pas directement dans l'action, dans le mouvement, dans le pouvoir? Vous voulez que vos logiciels travaillent plus vite? Alors ce qu'il vous faut, c'est une source de puissance haute performance au cœur de votre ordinateur. Compatible avec les logiciels les plus utilisés aujourd'hui et avec assez de répondants pour les logiciels les plus exigeants de demain. Cette source de puissance, c'est le microprocesseur Intel 486 DX2. Alors, chaque fois que vous achetez un ordinateur, exigez Intel Inside. Dans les années 90, la puissance était plutôt rattachée aux machines, à des calculs, aux objets techniques, au corps biologique ou dans un sens politique, aux puissants. Ces riches qui dirigent le monde. C'est d'ailleurs comme cela que le terme ressort d'abord dans les dictionnaires. C'est la force physique d'un muscle, c'est l'énergie mécanique ou électrique, c'est la multiplication d'un nombre ou la richesse de certains. Aristote, encore lui, avait bien aussi déployé tous les sens de la puissance, de la politique à la physique. Mais c'est à propos du mouvement qu'il en parle le plus. Pour lui, la puissance est le principe du mouvement, ce qui permet à un être de bouger, de changer, de se transformer. Un être ne fait pas que bouger, agir ou changer, il n'est pas seulement en acte, nous dit Aristote, il est aussi en puissance. Je trouve donc que c'est à la fois un concept très beau, la puissance, ce qui rend compte de notre formidable aptitude intérieure à nous métamorphoser et à accomplir des choses, mais c'est aussi un concept que je dirais en creux, souterrain, dans l'ombre, d'où mon étonnement aujourd'hui. Je trouve ça vraiment fou de l'utiliser aujourd'hui pour tout et pour les femmes en particulier. Car oui, paradoxalement, quand on dit que les femmes sont puissantes, on veut dire qu'elles ont du pouvoir et pas de la force mécanique, de la domination des riches, et encore moins dire qu'elles sont dans l'ombre, intime, invisible. Au-delà donc de l'usure mentale à entendre ce terme à tort et à travers, comment en est-on venu à utiliser cette expression dans un sens inverse à l'intention? Trop puissant, dans mon cas, nous en deux et demi, toujours trois coups d'avance sur l'ennemi, 113. Trop puissant, découpe la grenade, fait trembler la province, les boîtes parisiennes, les boîtes séquentielles. Trop puissant, délinquant artiste, braque le rap, c'est revenu, laissez passer les galactiques. Trop puissant, la street au mitard, inimitable, gros titre, gros spiff, trop puissant comme... Voilà donc mon agacement sous forme de question, le recours à la puissance, plus doux, plus acceptable, révélerait-il l'impossibilité que l'on a à penser la force brute, des femmes fortes tout simplement, ou ce terme de force ou d'autorité, de pouvoir aurait-il trop été associé aux hommes, ce qui nous obligerait ainsi à penser à un autre qualificatif pour les femmes? Eh bien je crois en fait que par souci cosmétique, parce que la puissance c'est plus joli, c'est plus évocateur, par prudence aussi parce qu'on s'effarouche de la force telle qu'elle, eh bien on en vient à dire le contraire de ce que l'on veut et à ne plus appeler un chat un chat. Merci Géraldine pour votre chronique, qui est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Un grand merci à l'équipe des Chemins de la philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui c'était Manon de la Selle. Avec l'aide, la compagnie, le travail de Nicolas Berger, chargé de réalisation, Isis Jourda, Jules Barbier, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert. À la prise de son aujourd'hui, c'était Alexandre Tang. À la lecture des textes, Hélène Losseur. On se retrouve demain pour la suite et fin de notre série autour de l'école de Francfort. Demain, on sera en compagnie de Stathis Kouvelakis. On se demandera où en est la théorie critique aujourd'hui, car après la première génération lundi, la deuxième génération aujourd'hui, eh bien demain ce sera la troisième, quatrième, et vous verrez combien il y en a et surtout ce qu'elles ont encore à nous dire aujourd'hui. C'est beaucoup plus politique, vous verrez ça. D'ici là, vous pouvez réécouter cette émission en ligne sur le site de France Culture, la page des chemins de la philosophie. Vous pouvez aussi la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux, puisque vous avez compris dorénavant qu'ils sont un outil indispensable au bon fonctionnement de l'espace public. On vous attend sur Facebook, Twitter et Instagram. On sera ravis de répondre à vos questions et à vos commentaires. À demain, 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.